Tout de suite, Quentin Dujardin, vous savez, ce monsieur musicien qui a fait un concert dans une église et qui pouvait pas, après 5 minutes, il a été arrêté. Et avant d'écouter Quentin Dujardin, on écoute quelques personnes sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Roland Laval-Mayenne. Bon, il est vrai, il n'est jamais bon de se réjouir de la détresse des autres. Mais tout de même, il a l'air malin maintenant avec son Karcher. Vous savez, il allait karchériser la racaille des quartiers. Ah, il a l'air malin. Salut! Salut Daniel. Bon, il y a un gars, il a voulu du fromage. Il a dit au juge, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Il a pris 3 mois ferme. Le procureur a demandé 8 mois ferme. Comment on peut demander 8 mois ferme à un gars qui a volé du fromage? Mais vous comprenez, il n'a pas de papier. Il est rentré dans un supermarché, il a pris du fromage, une altercation est arrivée avec l'agent de sécurité, trouble à l'ordre public, etc., etc., des trucs de juriste, qu'on charge le dossier, mais dans les faits, info France 3 Région, il a pris 3 mois ferme pour avoir volé du fromage. La semaine dernière, j'ai émis une insulte. Bon, là, ça vaut une grosse insulte. Mais je ne dirai pas de gros mots sur le répondeur, hein, parce que quel gros mot utiliser? Quel gros mot utiliser? Hein, c'est très compliqué, sachant qu'il faut faire attention. Maintenant, on est contrôlé, hein, il y a l'autorité de contrôle. Je te taquine, je te taquine. Là, mais c'est un truc de fou. Sarkozy parle pendant 17 minutes aux 20h TF1 pour dire que, grosso modo, c'est pas de sa faute, il a rien fait. Et Fabrice Arfi a fait une très bonne vidéo sur Internet, qu'on aime ou pas Mediapart. Bah écoutez, ils font du bon travail parfois. Il a fait une très bonne vidéo sur Internet et il décortique chaque élément de langage sur TF1 de Fabrice Arfi. Et moi, ce que je retiens, c'est le journaliste qui dit rien. Il dit rien du tout, le laisse dérouler. Donc il a fait appel. Mais Nicolas Sarkozy, voilà, un enferme hein, pour l'affaire en cours. Et il est sur TF1, 17 minutes. Et de l'autre côté, 3 mois ferme pour un vol de fromage. Ça vaut bien une insulte. Donc, je laisse les AMG trouver l'insulte adéquate envers cette caste politique, sociale, de risle, de merde et compagnie. Ah, j'ai dit de merde. Ça me répugne. Je crois que je vous l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. J'ai envoyé, je crois, le lien, je vous l'ai envoyé. Mais bon, ça me dégoûte. Sur ce, bon week-end. J'ai appris tout à fait récemment le décès de la chanteuse Hélène Martin et j'ai l'impression que c'est passé assez inaperçu. Tout au moins, j'ai même pas mémoire qu'on en ait parlé à la base. C'est pour ça que je voulais un peu réparer cette omission et rappeler que c'était quand même une grande chanteuse qui a chanté à peu près tous les poètes contemporains. Et bien entendu, il faut pas trop en parler parce que bon, c'était quand même des idées, voilà, un peu révolutionnaires peut-être. Donc il faut que ça, tout ça passe à la trappe et que ça, voilà. Donc on n'en a pas entendu. Moi, j'ai vraiment su ça par hasard. Et Daniel, si tu pouvais nous passer la chanson qu'elle a extraite du poème Le condamné à mort de Jean Genet, au moins pour réparer cet oubli, quoi. Hélène Martin, c'était une grande chanteuse et vraiment c'est dommage qu'on n'en parle pas. Voilà, bon, on n'a pas pu éviter Anne Sylvestre quand même parce qu'elle avait un tel retentissement qu'il a bien fallu en parler hein, quand même. Mais Hélène Martin, bah, voilà. Bon, allez. Bon courage les AMG. C'était Vanina du Val-de-Marne. Oui, bonjour à tous. Ben, c'est Yves, toujours en montagne là. Enfin, j'ai posé mon sac, tranquille. Ben, pour vous dire, enfin, j'ai mis un peu de musique ce matin là, histoire d'égayer parce que les brumes matinales, vers 4-5 heures, là, ça commence à, c'est vrai qu'on ne voit rien du tout. Bientôt, il va y avoir, d'ici la mi-avril, le couvre-feu dans les villes partout en France. Mais pour les bergers, il y a quand même pas mal de travail, notamment la tonte des moutons. Donc, j'ai écrit à mon ami Pierrot, ce pauvre mouton là qui s'était échappé, qui avait gardé sa peau, sa laine pendant 5 ans sur le dos. Et donc, il a été rattrapé, heureusement, il aurait pu mourir, parce qu'il a fait tout le poids qu'il avait, justement, 5 ans sans être tondu. Voilà, je vais vous parler un petit peu du parcours de Pierrot, parce que, bon, sa vie, lui, jusqu'à 50 ans, il était dans le placement financier, voilà, d'une grande banque. Et sa vie a basculé vers 50 ans, quand sa femme lui a annoncé qu'elle avait un cancer, donc examen, chimiothérapie, traitement, etc. Et elle est partie au bout de 6 mois. Donc, bon, lui, les enfants étaient grands, donc il a décidé de tout vendre, quoi. Sa maison, etc. Il a démissionné de son boulot. Ben, il a fait une espèce de dépression nerveuse assez sévère, quoi. Il était presque au fond du trou. Et puis, il s'est remis en cause. Enfin, il s'est remis en cause, c'est-à-dire il s'est recentré un petit peu sur lui-même. Et puis, il a décidé d'acheter un petit refuge, quoi. Et puis, hop, et avec 120 mètres, quoi, des moutons. Voilà, bon, ça lui plaît, quoi. Il a plus de 60 ans, hein, 62 ans. Mais il a un parcours pas très commun, quoi. Donc, on discute souvent, enfin, le soir, en mangeant des châtaignes au coin du feu, parce qu'il a une cheminée. Il chauffe que l'électricité, bon, elle arrive jusqu'à chez lui. Mais il aime bien la cheminée, puis le bois de cheminée, etc. C'est vrai que, bon, après, pour les vêtements, ça sent quand même. Quand on fait sécher un linge, c'est pas évident. Mais il aime bien la musique. Puis bon, on a parlé un petit peu de ces chanteurs, les artistes. Bon, il a baigné dans Brassens, dans Brel un petit peu. Bon, tous les textes d'Aragon que t'es chanté par Ferré ou Jean Ferrat aussi. Mais il y a deux trois chansons qui relèvent, enfin pour lui, qu'il essaie d'écouter sur son radio cassette. Là, il a des petites cassettes audio encore. Il y a les chansons d'Hervé Christiani qui s'appelle Il est libre Max. Voilà, c'est son côté lucide idéaliste. Il m'a dit j'aimais bien ce type parce que je sais pas, il se détachait du mouvement de la chanson de variété de l'époque, quoi, pas mal. Et puis après, il y a un gars aussi que bon, moi j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Pierre Vasilu, qui est parti aussi sur la pointe des pieds et qui a fait une adaptation d'une chanson brésilienne, je crois, en 73, et qui a fait un carton qui s'appelle Qui c'est celui-là? Et c'est vrai que qui c'est celui-là, vous écoutez un petit peu les paroles, quoi, c'est assez transcendant, quoi. Je dirais que l'histoire, enfin, le gars, il décide de prendre son engin interplanétaire et puis bon, de plus mettre le pied sur Terre, quoi. Et c'est vrai que moi, s'il y avait ce type d'engin, je le ferais, quoi. Peut-être avec mes enfants, mais bon, peut-être seul, quoi, je sais pas. Voilà, puis après, bon, il aime bien aussi les Beatles. Il écoute aussi, il adore Al Stewart avec son album concept The Year of the Cat. Ça, il insiste chaque fois, il me met ce morceau à fond parce que bon, ça évoque, il y a plein d'images de films dedans parce que Al Stewart évoque Humphrey Bogart, etc., les années 40, enfin, tout ce climat, Hollywood, qui avait, enfin, le climat où il y avait des communistes partout, quoi. Soi-disant, il y avait des communistes partout, la chasse aux sorcières, le macartisme, mais oui, les années 50, c'était terrible pour les scénaristes, les réalisateurs et les acteurs qui ont été écartés aussi des plateaux pendant des années, quoi. Voilà. Donc, parce qu'on m'a posé la question, là, quelqu'un m'a reconnu dans le train la dernière fois, là, quand je suis parti en montagne. Il m'a dit, mais vous ne serez pas Yves qui intervenait souvent à la basse Sigicus sur les répondeurs. Je dis oui, et je vous donnerai quelques informations sur Pierrot, mais pas trop non plus, parce que bon, il a sa vie aussi. Mais enfin, c'est un homme seul, il est très bien avec ses chiens et ses bêtes et ses moutons, franchement, moi je le comprends, quoi. C'est la liberté, je pense qu'elle est là, quoi. Elle est là. Voilà. Bonne santé à tous, portez-vous bien, et puis Pierrot et moi, on vous aime, quoi. Voilà, j'essaierai de le faire parler un jour. Dans le téléphone, mais il n'aime pas trop ça, quoi. À part son téléphone de secours, quoi, Il n'est pas du tout. Lui, il aime bien parler aux gens. Il a un côté brut. Hein? Le décoffrage, un peu comme le site à la brute, vous savez. Bon, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. En face de Monsieur Quentin Dujardin, c'est facile à retenir hein, comme nom, je trouve, parce qu'habituellement, c'est un. Moi, j'ai des difficultés, mais là, c'est hyper facile, quoi. Quentin Dujardin. Ben, c'est mes parents qu'il faut remercier. Je pense qu'on ne choisit pas son karma. Micro Je pense ouvert. qu'on vit avec ce qu'on reçoit et ce qu'on échange, ce qu'on partage. Ça s'appelle la culture, en fait. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la bienveillance. Ça s'appelle la découverte. Ça s'appelle la curiosité. Et le nom, on le porte, effectivement. J'ai des racines françaises importantes. J'ai des racines condruisiennes. J'aime la pierre bleue, la pierre claire, une forme de transparence, on va dire, une forme de lucidité. Je viens aussi de parents qui sont des, je veux dire pour mon père, du monde de la légalité, du monde de la loyauté, du monde de la justice. Une mère enseignante, latiniste, gréco-latine. Donc voilà, je viens de la racine des mots, de l'étymologie des choses, de donner du sens à nos actions. J'ai l'impression qu'avec la crise, les événements, le Covid, enfin, tout ça, voilà, Quentin Dujardin, moi, je ne connaissais pas. Et les gens, ben, voilà, ne connaissaient pas plus que ça non plus. Voilà, vous avez fait votre sortie, là. Et hop, c'est parti, ça fait parler de vous. C'est fait exprès ou c'est pas fait exprès? Alors c'est une question intéressante. Vous savez, moi ça fait, j'ai 43 ans, je joue la musique depuis l'âge de 5 ans, l'âge où j'ai commencé. Professionnellement, ça fait 25 ans que je travaille. Ça fait 25 ans que j'écume les scènes, que je travaille, que je vis de ma production musicale, que je joue de la guitare, que je collabore avec des artistes un peu dans tous les sens, le jazz, la musique classique, qui sont quand même peut-être pas des grands mainstream. On va dire au niveau des canevas et des castes, simplement qui sont promotionnés par les médias, mais où nous avons du travail. Et donc j'étais effectivement quelqu'un qui, depuis des années, était sans doute connu d'un certain public qu'on pourrait nommer cultureux, parce que c'est quand même effectivement quelque chose qui est nommé comme ça, même si ça. Mais ça veut dire quoi exactement, cultureux, quoi? Ça veut dire l'entre-soi un peu? Oui, peut-être un peu, effectivement. C'est peut-être le côté un peu panier de crabe, mais j'ai jamais, comment vais-je dire, je me suis jamais attaché à aucun panier de crabe. C'est-à-dire que, comme je l'ai toujours dit depuis que je voyage, voilà, j'ai fait des études musicales très importantes pendant presque 20 ans de ma vie, et puis j'ai voyagé 7 ans à travers le monde pour découvrir les musiques dans la rue, découvrir des artistes en Afrique, en Amérique latine. Au Maroc, au Maghreb, en Espagne, j'ai vécu avec les gitans en Andalousie. Donc pour moi, tout ça, c'est ce qui forme et ce qui forge un esprit libre. C'est ce qui permet justement de ne jamais penser qu'on doit rester attaché à quelque chose parce que on peut très bien le perdre le lendemain. Et je pense que la force, l'esprit et la musique se racontent aussi en liberté. Et donc voilà, je travaille depuis 20 ans, 25 ans maintenant professionnellement, et je cultive cet état d'esprit. Et donc par hasard aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui en 2021, début 2021, ben, en fait, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes, on en a marre d'être traîné dans la boue, on en a marre d'être ignoré, on en a marre d'être sous ce joug absolument ignoble d'une communication gouvernementale qui ne cherche pas à la bienveillance envers le monde artistique. Donc, je me suis dit, mais tiens, moi ça me touche tellement. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne choisit pas son karma. Je suis né dans une famille catholique. Bah depuis l'âge de 5-6 ans, oui, j'allais à la messe. Oui, je jouais la guitare dans les églises. Oui, j'ai toujours trouvé que ça sonnait terriblement bien, bien mieux que dans un centre culturel feutré, fermé, qu'un espace de studio dans lesquels je bosse aussi, qui sont des lieux mats. Et en fait, j'ai une attache corporelle avec ces espaces. Et donc, quand j'ai appris simplement que les églises pouvaient accueillir des messes pour 15 personnes avec un prêtre, ben, je me suis dit, ah ben c'est évident, super, je vais pouvoir remplacer le prêtre et aller faire de la guitare à la place, puisque c'est ce que je fais depuis ma plus tendre enfance. Eh ben non, j'y ai pas droit. Non, ça m'est interdit. J'ai envie de réagir parce que quand tu dis, je tutoie facilement, mais avec tout le respect, hein, quand tu dis, j'avais aussi, donc les prêtres pouvaient faire la messe, donc je vais prendre aussi la place du prêtre, mais j'entends bien, hein, je vois bien symboliquement ou même quand on regarde au-dessus ce que ça veut dire, mais c'est quand même pas la même chose, quoi. Faire la messe et jouer un morceau de musique, quoi. En tout cas, pour moi, voilà, la messe, waouh, c'est très compliqué. L'Église, le catholicisme, le christianisme, ça a toute son histoire. On ne peut pas simplement l'aborder comme ça en disant. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est simple, vous savez, ma religion à moi, c'est la musique, c'est tout. Je dis, j'en ai fait mon chemin de croix, j'étais enfant de chœur, j'ai servi les prêtres, j'ai servi les curés, j'ai énormément d'amitié avec beaucoup de prêtres, des gens qui sont des gens absolument intègres, qui cherchent la bienveillance. Vraiment? Alors là, c'est un autre débat, c'est un autre débat, mais ça n'est pas le débat d'aujourd'hui. Je veux dire, moi, je vous parle de mon monde à moi qui m'encadre, avec lequel j'ai des relations tout à fait bienveillantes et très intéressantes sur le plan philosophique. Et j'apprécie aussi qu'ils reconnaissent que ma religion, c'est la musique. Et ils sont en parfaite solidarité avec moi. Vous savez, avant de démarrer ce premier concert à Crupet, il y avait une dizaine d'églises qui étaient prêtes à m'accueillir, pour vous dire l'enthousiasme autour de cette solidarité évidente, de cette discrimination notoire que subit la culture. Donc, il n'y a pas de malaise avec ça. De malaise, c'est-à-dire. Je veux dire, par rapport à la question que vous soulevez d'une certaine intégrité, d'une certaine église, je dirais pour ma part, je peux vous dire que pour avoir discuté longuement avec beaucoup de prêtres, pour construire ce projet de Crupet du 14 février, à l'unanimité, ils étaient bienveillants et dans l'idée de m'accueillir dans ces églises, bien sûr, parce que voilà, ils savent que la musique, vous savez, ça ne s'encombre pas de sémantique. La musique, c'est du son, donc le jugement glisse là-dessus. Vous comprenez? C'est du son, donc il y a pas de malveillance. Il y a que partager un son qui plaît ou qui ne plaît pas, c'est Voilà, tout. il y a Et donc on ça aussi. s'encombre pas du débat, en fait. Ça permet à la fois d'éclipser beaucoup de tensions. Et la musique est un médium fantastique, fantastique pour acquérir et construire sa liberté. Je le redis, c'est mon choix. C'est sûr que c'est pas le sujet, hein, mais n'empêche quand même, on va aborder le cœur qui est quand même ce que vous avez mis en place donc dans les églises là, puisqu'on peut faire enfin, dans une église, un événement que vous avez fait parler de cet événement, hein, vous l'avez fait beaucoup sur le réseau social, enfin, voilà, où vous avez fait du bruit, quoi, comme on dit. Mais moi, j'avais aussi, du coup, envie de comprendre c'est quoi ce geste, si ça a eu un impact, et aussi, voilà, vous venez aussi d'un certain milieu, quoi. Vous avez posé un acte. On vous a prévenu que vous alliez avoir une amende, que peut-être vous allez faire de l'emprisonnement. C'est pas rien, 4 000 balles, si jamais vous posez un acte, quoi. Voilà. J'avais envie de comprendre ça aussi. Voilà, vous êtes copain avec des curés, tant mieux. Et ils vous soutiennent, tant mieux. Mais c'est pas comme ça. Ça a toute son histoire aussi, hein. Je suppose que la musique que vous faites, elle plaît aussi, quoi. Vous voyez, il y a tout un ensemble. Parce que moi, je faisais juste une petite parenthèse. Les curés, on les entend pas pour autre chose, quoi. Par exemple, voilà, ils sont assez discrets. Pourtant, il y a plein de choses qui se passent qui sont assez énormes en ce moment. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Mais peut-être on peut rentrer dans le vif du sujet de votre événement que vous avez mis en place. Alors moi, ça fait un an que je cherchais mon combat, comment le positionner. Je dis, j'ai vu passer, comme tout le monde, beaucoup de phrases assassines concernant la culture, beaucoup d'ignorance, beaucoup de silence. C'est révoltant. Et vous savez, ça met le temps de se construire une révolte aussi, dans le sens où ma révolte à moi, elle est non violente, je le dis depuis le début. Elle est extrêmement bien entourée. Vous me dites effectivement que j'ai des amis curés, oui. J'ai beaucoup d'appréciation de ce monde-là aussi, parce qu'il fait partie de mon histoire familiale, de mon vécu d'enfant, qui a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à rigoler avec ce monde-là aussi. Et par ailleurs, comme je vous le disais avant, mon père ayant été un homme de loi, ben, j'ai beaucoup de connexions aussi avec le monde et des avocats et de l'autorité fédérale au niveau des procureurs, etc. Donc ça m'a permis d'abattre en fait des peurs que beaucoup de citoyens emmagasinent au fur et à mesure de cette crise. Et pour ma part, plutôt que de m'enfoncer dans cette peur, ben, j'ai toujours posé les questions aux gens que ça concernait. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a peut-être pas moyen à un moment donné de se dire que nous vivons dans une démocratie en réalité, malgré cet état d'urgence, et que cette démocratie c'est un outil, et que c'est à nous à ouvrir les tiroirs pour déclipser, pour éteindre ces peurs. Et mon objectif, quand j'ai compris mon combat, là où il devait se placer par rapport au monde de 15 personnes dans une église, il ne pouvait pas y avoir de discrimination entre un prêtre ou un artiste, c'était d'une évidence pour moi, c'était d'une transparence, d'une lucidité totale. Et je me suis dit, mon cheminement maintenant doit se faire dans toute transparence et avec le public et sur les réseaux et en même temps dans la légalité auprès des gens de loi pour qu'ils comprennent bien que ma démarche n'est pas une volonté de buzz, ce n'est pas une volonté d'exister au-dessus de la masse et de se faire briller devant tout le monde. Ce n'est pas ça. C'est d'habiter un combat dans un 360 degrés au niveau de la maîtrise de ce combat. Vous savez, j'ai une révolte, mais elle va se construire. Elle va se construire avec le terrain, avec des citoyens. Elle va se construire en relation avec une autorité fédérale qui comprend effectivement l'absurdité des aberrations face à laquelle elle doit appliquer la loi. Elle comprend aussi qu'il y a une forme de légalité en jeu qui n'est plus vue comme une légalité parce que la Ligue des droits humains que j'ai rejoint en justice va faire tomber, je veux dire, certainement un jugement qui va faire grand bruit dans la foulée, et nous en saurons sans doute un peu plus vendredi qui arrive, le vendredi 12, parce que c'est tout cet amas de choses qu'il faut clarifier, vous comprenez ? Et moi, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, certains ont dit, je ne suis qu'un détonateur, je ne suis qu'un allumeur de mèche. En tout cas, j'ai vraiment profondément assumé l'idée de ne pas avoir peur de mettre mon doigt dans l'engrenage et de le maintenir dedans pour le gripper. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je veux dire, ça fait bouger le Parlement, ça fait bouger des parlementaires, ça fait des interpellations à la ministre de l'Intérieur qui est très mal à l'aise et qui ne sait plus trop comment répondre par rapport à cette soi-disant légalité d'un état d'urgence qui n'en est pas une, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment donné, peu importe que votre musique soit plus audible dans une église, que vous soyez copain avec les curés ou avec un procureur, ou ça, c'est ça qui est intéressant, c'est le cheminement qui va avec. Oui, mais c'est pas que peu... Comment vous avez dit ? Peu importe, c'est pas peu importe, c'est que... Vous avez toutes les cartes en main pour poser un acte, et tant mieux. Je veux dire, on est vraiment aussi à une époque où les gens ont peur, où dès qu'ils doivent mettre 500 euros, je comprends ceux qui rament, évidemment. Mais oui, bien sûr, les 4 000 euros, je ne les ai pas, vous savez. Vous savez, moi, bien sûr que non. Moi, je vis avec ma famille, on vit avec 1 000 balles, et on a 4 personnes à charge. Vous avez une maison à payer, vous avez des assurances, vous avez des, voilà, peut-être un peu moins d'essence, effectivement, parce qu'on ne bouge plus, parce que je n'ai plus de concert, parce que je ne me déplace plus, mais... 1 000 balles, c'est deux fois, trois fois en dessous du seuil de pauvreté. Donc, je n'ai pas à me vautrer en disant simplement, effectivement, moi, vous savez, les 4 000 euros, c'est rien du tout, j'ai rien à craindre. Non, on n'y est pas du tout. Mais vous savez que dans la foulée du 14 février, j'ai reçu des dizaines, des centaines de gens qui étaient prêts à répondre à un appel à dons éventuel que je n'ai pas lancé, puisque... On ne savait pas si la verbalisation allait poursuivre, si l'action en justice allait se mettre en place. Et effectivement, la décision de classer sans suite de la part du procureur a mis quelque part, entre guillemets, un terme à l'appel à don. Mais c'est loin d'être terminé, vous savez. Aujourd'hui, on est lundi, vous m'interviewez, on est le 8. Vendredi prochain, je refais un concert. Je recommence, non plus dans une église, mais dans une institution subventionnée culturelle. Mais pourquoi vous faites ça ? Parce qu'on n'entend toujours pas parler de vous ? Parce que ça n'a pas eu son impact ? Parce que simplement, la décision du comité de concertation de ce vendredi, donc on était le 6, le 5, quelque part par là, le 5 mars, n'existe pas pour la culture. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé ? Vous savez, ils nous ont dit, voilà, en mars, vous avez droit à du plein air. Mais vous savez, moi, depuis mon enfance, j'ai jamais fait un concert en plein air au mois d'avril. Ça n'existe pas. Je veux dire... À part quelques petits tralala de je ne sais pas de qui, peut-être d'un circassien qui va faire quelques anneaux, quelques jongleries. Non. Donc ça, c'est une honte, c'est une claque supplémentaire. Et quand on vous parle qu'il y a au conditionnel, peut-être qu'au mois de mai, une réouverture éventuelle, l'ignorance et la discrimination continuent. Et moi, je ne fais que continuer à mettre mon doigt dans l'engrenage. C'est tout. Ça va continuer. Et le matin, ce sera une grande journée, le 12, parce que le matin, ce seront les plaidoiries de la Ligue des droits humains avec mon avocat Maître Englebert, que j'ai évidemment rejoint dans ce référé au tribunal, pour dire il faut dénoncer ces arrêtés ministériels. Il faut revenir à un état de droit. Et donc, je pense que cette action en justice va peut-être faire bouger des lignes politiques davantage, des lignes aussi au niveau de la justice, des lignes au niveau du Parlement, qui doit reprendre en main les débats, qui doit reprendre en main ce qu'on appelle la démocratie. Mais si c'est classé sans suite, ça veut dire qu'on n'en parle plus, que voilà, votre événement à Cruppet, donc la première fois où vous avez fait votre concert, je commence aussi à vous voyer parce que vous me vous voyez en fait. Donc la justice dit on annule, c'est fini, on n'en parle plus. Et vous, vous avez décidé, si je comprends bien, de revenir et de continuer à refaire un concert parce que on parle toujours pas de la culture, c'est ça? Absolument. Je dirais, tant qu'on est dans un système de conditionnel, éventualité, mais il n'y a pas de justice pour les artistes. L'État d'urgence, le comité de concertation, signe et persiste dans sa discrimination notoire. Donc moi, vous savez, je n'ai pas de limite par rapport à cette défense du monde des artistes. C'est ma liberté, c'est ma religion, vous comprenez? Je suis prêt à bouger des montagnes. Et c'est ce que nous allons faire avec... Vous savez, il y a une phrase d'un penseur, du monde très ancien, du côté de l'Asie, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit « essayez de passer la nuit avec un moustique ». C'est la même chose. On est là-dedans, on est dans ce rapport de force. Pourquoi? Parce que je pense que je suis droit dans mes bottes. Ma demande, elle est simple, elle est évidente. C'est quoi cette discrimination d'empêcher un théâtre d'ouvrir pour 15 personnes? C'est quoi cet oubli tout à coup de se dire c'est super, on va vous aider, on va vous autoriser à aller jouer en plein air quand il pleut, vous avez le droit de jouer sous une bâche ouverte des quatre côtés, mais j'en arriverai vulgairement à dire c'est quoi ce foutage de gueule? Oui, c'est vraiment ça, il y a un problème, mais du coup, si vous m'expliquez que vous allez remettre ça, alors là, pour moi, ça devient un combat, vous voyez? Parce que sinon, la première fois, ça fait comme si, voilà, ok, il y a quelque chose qui s'est passé, on comprend bien que vous avez souligné l'absurdité, mais si vous recommencez, alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place, quoi. Là, vous rentrez un peu dans le... Qu'est-ce qui pourrait se passer la seconde fois, alors? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On ne m'a rien dit, pour l'instant. On ne vous a pas dit « ne recommencez plus, hein ». On m'a fait simplement ce qu'on appelle un rappel de la loi. Donc l'autorité, via le procureur du roi, m'a signifié que j'étais bel et bien en infraction par rapport à cet arrêté ministériel. Et ce qu'il m'a fait, c'est un rappel de la loi. Alors un rappel de la loi, c'est qu'il me rappelle la loi, simplement en disant « vous êtes en infraction parce que, voilà, rappel de la loi ». Mais le rappel de la loi, en légalité, en termes juridiques, ne peut se faire que lorsqu'il s'agit notamment d'un juge qui porte un rappel de la loi vers un jeune mineur. Donc c'est quelque chose qui quand vous êtes adulte, vous êtes censé connaître la loi. C'est presque infantilisant, vous comprenez? Donc ces gens, simplement, sont pris entre le marteau et l'enclume, et M. Mac, procureur du roi de Namur, est malheureusement, dans la situation de cet état d'urgence, très embêté. Je ne lui en veux pas du tout. Il m'a même annoncé, je l'ai vu à travers une interview, qu'il était un grand fan de ma musique. Vous comprenez l'absurdité jusqu'où elle va, qui sera le premier à revenir à un de mes concerts quand ce sera autorisé. Je veux dire, c'est ça le monde dans lequel on vit, le monde que je laisse à mes enfants, que nous envisageons pour le futur. Alors effectivement, recommencer, ça peut paraître téméraire, ça peut paraître mercenaire, ça peut paraître rebelle totalement. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que ça continue à être un acte pour ramener la légalité. Moi, je trouve ça vraiment bien, quoi. Du coup, alors, je trouve ça bien, parce que du coup, vous allez vraiment chercher plus loin que simplement un coup comme ça dans... C'est un coup, l'action que vous avez menée la première fois, c'est vraiment un coup pour souligner l'absurdité de la chose, quoi. Ça me semble évident. Après, qu'est-ce qui pourrait se passer, quoi, pour vous? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que, du coup, la culture, on a bien compris, ça bouge pas, quoi. Parce que vous avez posé un acte. C'est votre acte qui est illégal ou bien c'est les... Les curés qui font la messe pour eux, vous voyez, j'ai envie de comprendre. Eux, les curés peuvent continuer à donner la messe, peuvent continuer à faire le culte avec 15 personnes dans l'église. Je veux dire, il y a eu des discussions par rapport à ça. Ah oui, bien sûr. Donc tout ça, Mais c'est... par rapport à la loi, par exemple, de mettre ça devant, de défendre cette idée, mais comment cela se fait-il que le culte est admis et pas la culture? Est-ce que ça a vraiment été bien posé, cette situation? Parce qu'elle est complètement absurde, et c'est ça que vous soulignez dans votre premier concert. Bien sûr que ça a été, c'est un recours au Conseil d'État qui a été fait de la part de la communauté juive, qui a demandé l'ouverture pour 14 personnes exactement, et puis dans la foulée, ils ont accepté 15 pour une question de témoignage, si j'ai bien compris, pour pouvoir avoir des témoins à des mariages de la communauté juive pour authentifier les mariages. Je pense que c'est ça l'idée de base qui était derrière en fait ce recours au Conseil d'État. Ils ont gagné, et donc forcément, ils ont été obligés et tenus d'ouvrir pour les autres cultes de la même manière. Donc moi, je n'ai fait que révéler cette chose, on va dire, qui était peut-être d'apparence insignifiante, mais dans la foulée, quand un parlementaire interpelle Madame Verlinden, Annelies Verlinden, qui est ministre de l'Intérieur au Parlement, dans la foulée de mon action du 14, pour lui demander, vous ne trouvez pas qu'il y a discrimination, puisque Monsieur Dujardin a relevé le fait que lui ne pouvait pas, puisqu'il a été verbalisé, stoppé, prise de carte d'identité, etc., ce fameux 14 février à Crupet, à l'église de Crupet. Et ce qu'elle lui répond simplement, c'est que, ben non, la liberté de culte, elle lui dit quasiment, elle lui signifie dans le retour à l'interpellation qu'il lui fait au Parlement, elle lui signifie en disant que la liberté de culte est quasiment supérieure à la liberté de culture. Vous comprenez qu'il y a une hiérarchisation dans la réponse, dans le niveau de la réponse de la ministre de l'Intérieur. Et quand vous lisez ce retour, ben, évidemment, aux yeux des avocats, aux yeux du monde juridique, c'est absolument ignoble de considérer qu'il pourrait y avoir dans nos libertés fondamentales des niveaux, des levels comme ça. La liberté d'expression est peut-être moins importante que la liberté de presse, par exemple, ou qu'on pourrait imaginer à un moment donné que ces libertés fondamentales qui sont inscrites dans la Constitution possèdent un curseur, qu'on bouge, qu'on descend, qu'on monte en fonction de l'intérêt de l'État ou de se défendre d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il y a profondément un problème gravissime. Qui apparaît aujourd'hui. Et donc, cet état d'urgence dans lequel nous fonctionnons depuis un an pose question au plus haut niveau. Et ce n'est pas moi seulement qui le dis, je le disais là, 3 jours avant mon concert de Crupet, ce sont les 20 000 avocats qui sont rassemblés par la Fédération des avocats de Belgique, qui rassemble les francophones, les néerlandophones, les germanophones, dénonçaient cet état, ce glissement de terrain vers en fait, ce qu'on appelle simplement une dictature, une tyrannie. On est en train de glisser vers ça. Et donc, c'est un rappel, vous comprenez, cette carte blanche dans le journal Le Soir était un rappel aussi de dire, il faut que ça s'arrête, il n'y a plus de raison de maintenir cet état d'urgence au nom de, on ne sait pas très bien quoi, en réalité, rien n'est tout à fait clair. Donc, voilà. Avant le Covid, avant tout ce système qui est occupé à se mettre en place, là, depuis un an, comment tu vivais la culture? Je crois que j'ai un peu compris que tu disais... Que ça roulait pour toi, quoi. Ça allait dans le cultureux que tu expliquais. C'est vrai que quelque part, tu l'as déjà dit. Mais du coup, avec cet événement, tu es obligé aussi de te rendre compte que la culture, au sens général, le cultureux est obligé un peu de refaire solidarité, non? Alors, c'est une très bonne remarque, parce qu'effectivement, moi, mon chemin musical, il était de partir le week-end, la semaine, pour enregistrer, pour faire des concerts, pour rencontrer des gens après les concerts, pour vivre de ma musique, c'est-à-dire voilà, gagner un peu ma vie avec les quelques ventes de disques, avoir un cachet, on va dire, qui me permettait d'avoir un contrat, d'avoir, je veux dire, un peu moins de pression de la part de ce fameux statut de l'artiste qui est attaché à l'ONEM, machin. Donc c'est très, très, très, très compliqué de parvenir tout le temps à être attaché aussi à cette image de chômeur, ce que je ne suis profondément pas. Je suis quelqu'un qui se bat tous les jours pour exister musicalement, pour faire exister ma musique. Donc c'était ça ma vie, c'était vivre avec ma famille, m'occuper de ma famille, et puis aller faire des concerts, travailler mon art, le cultiver, le partager. Vous savez, la culture et le culte, je reviens avec ça, c'est la même racine latine. Cultus, c'est honorer, c'est cultiver. Donc j'étais dans cette espèce de rite, on va dire, perpétuel, quotidien, de fonctionner avec ça. Et tout à coup, l'épée de Damoclès coupe, je veux dire, vous tombe dessus et vous dit stop, vous n'avez plus droit à ça. Ouf! Là, ça, c'est quand même un truc absolument délirant. Au nom de quoi? Pour quelles raisons? Personne ne le sait vraiment, mais globalement, pour des questions sanitaires qui sont finalement assez obscures au final quand même. On se pose beaucoup de questions maintenant sur beaucoup, beaucoup la légalité de ces mesures, de la discrimination évidente qu'elles ont provoquée. Pourquoi est-ce que les gens s'entassent dans des transports? Pourquoi est-ce qu'ils s'entassent dans des avions? Pourquoi est-ce qu'ils vont, ils peuvent aller faire les soldes, alors que par ailleurs, un artiste ne peut pas lui-même donner un concert, même chez lui, pour 4-5 personnes. Enfin, tout ça, on devient totalement, discriminatoire. Et donc, ma vie a basculé. Mon cheminement a été de réfléchir, mais vous savez, moi j'ai toujours vécu de mon art. Je ne suis pas un enseignant, je ne vis pas, je ne suis pas fonctionnaire de l'État dans une académie ou dans un conservatoire. J'ai toujours voulu vivre de ma musique, de mon écriture musicale, de la vente de ma musique, de la vente de mes concerts, travailler avec des gens du théâtre, des gens du cinéma pour écrire de la musique de film, musique de documentaire. Faire des albums, collaborer, enregistrer, écrire des chansons pour d'autres, donc vivre de mes droits d'auteur aussi. Donc c'est une caste, je pense, on est dans une caste très, très, très rare, je pense. Et peut-être qu'on est passé entre les mailles du filet, comme ils disent beaucoup, au niveau de la protection, sociale, etc. Ceci dit, je pense plutôt qu'à l'heure actuelle, c'est profondément une volonté d'éteindre une forme de liberté d'expression, une forme d'état d'esprit. De liberté. C'est quelque chose que j'ai construit, ça a mis des années, et je ne peux pas m'imaginer qu'aujourd'hui, à 43 ans, on me dise change de métier. Ben non, je ne changerai pas, je suis désolé, j'aime ce que je fais et je l'aimerai jusqu'au bout de ma vie. Et peut-être que je vais donner par ailleurs un autre miroir maintenant à mon métier, c'est-à-dire que j'ai compris que cette crise m'a non seulement renforcé dans l'idée du beau, que je partage du beau en fait, que c'est mon métier, mais que aussi je suis un citoyen engagé. Et ça, j'en avais pas tout à fait pris conscience jusqu'alors. Et c'est ce qui fait peut-être ce dont vous parlez, tout à coup, voilà, vous existez aux yeux d'un plus grand monde, que vous existez pour la culture dans le sens large. Ben oui, si c'est ça qu'il faut défendre, j'en ai pris conscience. Et je suis prêt à aller au bout de ce chemin parce que je pense que le monde de demain en a profondément besoin et qu'on ne peut pas vivre dans un monde de technologie, d'innovation, de digital uniquement. On a besoin de liens. L'être humain, depuis l'humanité tout entière, vit par le lien et via le lien. Il touche les autres, il communique, il parle, pas à travers un écran, pas à travers un streaming, pas à travers, je veux dire, une conférence Zoom où les débats sont très difficiles à mener, les échanges sont impossibles. Donc, moi, j'aime le contact. J'aime rencontrer les gens. Voilà, je vous disais avant, j'ai vécu dans la rue, j'ai vécu aussi avec le monde des gitans. Qu'est-ce qu'on se touche? Qu'est-ce qu'on échange? Qu'est-ce que c'est prégnant? La sueur, l'échange. Alors maintenant, pour des raisons sanitaires, on nous interdirait ça. Je veux dire, le risque, il est quand même. On sait maintenant au niveau des chiffres, quand même, que le risque est assez misérable. C'est peut-être un débat très important, mais assez en tout cas. Le chiffre, qu'est-ce que là on se perd un peu le chiffre, ça, quel chiffre de quel chiffre tu parles? Je parle de ces chiffres, notamment de personnes qui décèdent, notamment. Évidemment qu'il y a un risque qui est là pour des personnes qui sont déjà fragilisées, on le sait. Mais quand la majorité de la société est quand même des gens, je pense, qui sont en bonne forme, qui pratiquent le sport, qui bougent, qui pensent, qui partagent, qui s'émancipent. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre tout le monde au carreau au nom d'une raison sanitaire? Parce que maintenant, la véritable question juridique, et ça, c'est un fait qui n'a pas encore été porté dans les médias, c'est ce qu'on appelle l'état de nécessité. Qu'est-ce que c'est l'état de nécessité? C'est qu'à un moment donné, pour une raison sanitaire, on a estimé que cette raison était bien plus importante que tous les gosses qui sont en pleine dépression, que les gens qui se suicident dans leur appartement, que les gens qui prennent des médicaments à outrance pour tenir le coup dans cette crise, a moins de valeur que les quelques personnes qui décèdent aux yeux de ces chiffres. Donc il y a un contrebalancement qui est totalement disproportionné. Ce débat-là n'a pas encore eu lieu. Et c'est ce qu'on appelle l'état de nécessité. Est-il plus important, ou plutôt je poserai la question dans l'autre sens. N'est-il pas plus important de s'intéresser à ce chiffre grandissant de jour en jour de gens qui se portent de plus en plus mal à cause de cette crise? Je ne vais pas citer les exemples, mais on le sait, voilà, autant chez les jeunes que les gens adultes, que les personnes âgées. cette nécessité est plus importante, n'est pas plus importante que de laisser les raisons sanitaires nous écraser totalement pour finalement quelques personnes décédées. Certes, tristement, certes, gravissimement tristement pour les familles, bien sûr, mais c'est une question, je pense, aussi à poser au Parlement. L'état de nécessité, c'est pas moi qui ferai cette question-là, évidemment, je suis sur le combat maintenant de la culture, mais je pense que c'est un point très important que les juristes, que les parlementaires devraient aussi aborder à travers cette fameuse loi Covid qui est en train de se monter et qui va susciter beaucoup, beaucoup, beaucoup de remous. J'espère bien, ça se réveille, j'ai l'impression que ça se réveille un peu tout doucement là en ce moment, moi. Bah, évidemment, au premier confinement, on est tous pris sur le fait, on comprend rien, on est obligé de comprendre via des médias, c'est aussi ça, ça aussi c'est très bizarre, hein, de savoir qu'est-ce qui se passe et on est obligé de regarder nos écrans pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'était particulier. Maintenant, on est un an plus tard. Et là, ça commence tout doucement à un peu à bouger, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et aussi, je trouve ça super, en fait, qu'avec cette crise, ce un an de n'importe quoi, d'incompréhension aussi, de culture gelée, eh bien, du coup, il y a de la solidarité. On s'intéresse plus les uns aux autres. Alors, pas partout, parce qu'il y en a qui sont dans la survie, hein. Mais ici, maintenant, quand je parle avec toi, je trouve ça intéressant de se dire... Hein, t'avais ta vie, t'avais tes concerts, t'avais ta famille, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe énorme, et ça te fait prendre conscience de quelque chose, quoi. Je trouve ça vachement bien aussi, quoi. C'est intéressant aussi comme vision. Oui, mais c'est de la résilience, hein. C'est de la prise de conscience, on va dire. Je pense que tout citoyen a sa prise de conscience. Nous y avons en tout cas droit, et nous avons aussi le droit de l'exprimer. Non, mais t'es d'accord que tous les citoyens, tout le monde ne peut pas vivre... Enfin, moi, j'ai pris conscience de ça. Maintenant, ça me semble évident. On ne vit pas tous les choses de la même manière. Sinon, ce serait trop facile. Tu vois, il y a des gens, ils sont dans la survie. Il y a des gens avec le Covid, ils ont perdu leur boulot. Il y a plein de gamins, de jeunes étudiants qui faisaient leurs études, qui avaient un boulot. Enfin, tout est complètement... Donc, on n'est pas tous touchés de la même manière. Et voilà, ce que j'apprécie ici, là, maintenant, c'est que toi, venant... quand même d'un univers, ben, ça roule pour toi, hein, même si t'es pas, tu roules pas sur l'or, tu vois, t'as choisi un métier, on sent que t'es habité, que t'es imprégné par quelque chose, et ben tu peux prendre cette voie-là aussi de dire, ben, tiens, solidarité, quoi. Ben, ça, je trouve chouette, enfin intéressant. Ben, t'étais pas obligé de le faire, quoi. Non, c'est pas une question d'obligation de ne pas le faire, c'est question d'un, c'est une intuition, vous comprenez, moi, je vais là où mon intuition me guide et j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours senti les choses. Quand j'ai décidé à 12-13 ans que je voulais devenir musicien, c'était une intuition. J'ai suivi cette intuition. Quand on m'a dit « va apprendre dans des écoles supérieures », c'était une intuition. Je l'ai fait. Puis à un moment donné, vous savez, vous en avez marre de l'enseignement. Et mon intuition suivante, c'était d'écouter un disque de flamenco et de me dire « waouh, il y a une énergie là-dedans ». Mon intuition me disait « va voir là-bas », de débarquer dans la rue. Et puis voilà, vous rencontrez le monde, un monde différent du vôtre, vous remettez en question votre enseignement. Donc, tout est intuitif dans le chemin. Peut-être, c'est ça, en fait, le vrai combat dans la solidarité, c'est de savoir sortir des cadres. Je vous en parlais au début, je me sens attaché à aucun panier, à aucune caste. Et d'ailleurs, c'est ce que souvent les journalistes culturels, cultureux, me disaient de ma musique. C'est qu'on ne sait pas l'attacher à une caste. C'est qu'on ne sait pas si vous êtes jazzman, si vous êtes attaché à la musique classique, aux musiques du monde, ou c'est quoi Quentin Dujardin. C'était souvent la question qui revenait. Qu'est-ce que c'est la musique que vous faites? Je disais souvent, je ne sais pas, c'est vous qui voulez classer. Moi, je ne me classe pas. J'ai toujours fonctionné en totale liberté avec mes intuitions. Et mes intuitions me guident et je les écoute. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Je leur dis la même chose. Et c'est ce que mes parents m'ont enseigné. Fais ce que tu aimes dans la vie. Et va toujours là où les gens te portent, et va toujours là où il y a une bienveillance, où il y a une forme de aussi dans la relation de loyauté, d'une construction chouette, quelque chose de peut-être à la fois léger, mais en même temps responsable et peut-être quelquefois lourde dans le courage. C'est ça qu'on m'a enseigné. Vous savez, on fonctionne tous effectivement avec des curseurs différents qu'on a reçus. Ben, les curseurs à moi, c'est ceux-là. Après, effectivement, je peux choisir d'être en loyauté ou pas avec ce que j'ai reçu de mes parents, Ou bien je peux très bien décider d'augmenter mon chemin, de le faire différemment. C'est tout ça le chemin de la vie. C'est ça qui est intéressant. C'est absolument passionnant. Et vous savez, tous les jours, quand je me lève, je me dis, ce matin, vous disiez, vous étiez levé à 5h30, moi, c'est 3h30. 3h30, mon cerveau s'arrête et il commence, il dit, OK, on y va, et on commence à réfléchir. Effectivement, les événements vont vite, donc je suis en permanence dans le ressenti des choses, j'agis, j'écris beaucoup, je réfléchis beaucoup, je parle beaucoup avec beaucoup de gens autour de moi qui sont des miroirs de ma cause, entre guillemets, comme vous l'êtes aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de se révéler à quelque chose qui est porteur de sens. Je pense que 2021, peut-être 2022, parce qu'on ne sait pas combien de temps ils vont nous traîner dans cet état d'urgence, mais seront des années très lucides, seront des années, je pense, lumineuses. J'ai très bon espoir par rapport à ça, par rapport à la conscience des citoyens et ce que ça va réveiller, et ce que ça va permettre comme débat positif. Parce qu'un débat, ce n'est pas un affrontement, c'est une parole libre, c'est un dialogue, c'est la démocratie. Oui, ça, c'est l'aspect lumineux de la chose, quoi, on va dire. Hein, c'est l'aspect, c'est une vision positive de regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Ouais, c'est difficile, des fois, de comprendre. Hein, y a quand même... Il faut qu'il y ait une crise. Mais pas, enfin, je veux dire, elle n'est pas simplement depuis aujourd'hui, quoi, cette crise. Hein. Ça fait longtemps que tout est là, en place. Mais bon, comme nous, on est du côté riche du globe, ben on se pose pas trop de questions non plus. Enfin, je pense à ça, tu sais, là, je fais un lien, je sais pas si tu vas me suivre. Dans les années 60, tu vois, on parlait des 30 glorieuses, enfin, surtout après-guerre, l'économie qui était x7, j'invente, mais pour dire que c'était un mirobolant. Mais pendant ce temps, on pillait l'Afrique, quoi, tu vois. Je veux dire, nous, de notre côté, on a aussi une drôle de position par rapport à cette solidarité, par rapport à... Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression maintenant, avec le Covid, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent. Il y en a qui ne vont pas se relever, hein, je pense, aussi de la crise Covid. Mais bon, moi, je te rencontre et tu as l'air, toi, d'être plutôt lumineux et d'être positif aussi avec tout ça. C'est positif, tout ça, selon toi. C'est pas que c'est positif, tout ça, c'est pas la bonne question. C'est que j'ai trouvé mon lien positif. Mon instrument est toujours là. Tous les jours, je le travaille. Tous les jours, il me rend lumineux. Parce que j'ai fait mon choix. Mon choix, c'est de faire de la musique. Mon choix, c'est d'être dans le silence de la musique et de continuer à l'imposer en tant que tel au monde politique, de l'imposer face à cette situation effectivement aberrante à bien des niveaux. Mais je n'ai pas perdu mon chemin. J'ai toujours pensé que c'était le chemin le plus lumineux que je pouvais employer. C'est tout. Je n'ai pas de, comment vais-je dire, d'autre credo que celui-là. Et c'est ce qui me permet de tenir en vie et de rester droit, on va dire. Et je suis prêt à n'importe quoi, je vous le disais il y a une demi-heure, je suis prêt à n'importe quoi pour tenir ce chemin. Vous trouvez que c'est une mauvaise question? Vous avez, j'adore, vous m'avez dit, c'est pas la bonne question. Non, c'est pas la question d'être une bonne ou une mauvaise question, c'est que je ne peux que vous ramener à ce que je vis intérieurement et corporellement, je dis dans mon esprit et ce que je sens pour l'instant. Moi, j'essaye de le comprendre, vous voyez, j'essaye de comprendre. En fait, c'est galère pour vous, mais du coup, vous avez décidé d'aller dans l'action et plutôt positivement, quoi. Voilà, en fait, il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis le début, c'est qu'on est quand même dans une inertie totale depuis un an, une inertie des institutions. Et je comprendrai là-dedans une inertie des institutions culturelles, mais aussi d'un gouvernement qui s'est laissé piéger, d'un parlement qui est inerte aussi totalement, d'institutions, de politiciens qui ont disparu du secteur, on va dire. Mais là tu parles spécifiquement de la culture, hein, parce que quand tu parles d'inertie, moi j'ai envie de dire, oui, mais ça, c'est à l'échelle globale, comme ça, on ne bouge pas, on bouge pour rien, alors qu'il y a plein de choses graves qui se passent, quoi, tu vois. Mais là, on parle de la culture, quelque chose qui te touche, évidemment. Alors, quand je parle de l'inertie, c'est un sentiment général que tout le monde, effectivement, regarde ces nouvelles, on obtempère, on est censé cultiver ce caractère anxiogène tous les jours, on est censé faire attention à tout, on est censé ne plus toucher personne, on est censé mettre un masque en permanence, que j'attache plus à aussi un caractère symboliquement, c'est quand même une sacrée muselière. Donc, on éteint en réalité un sentiment par l'inertie. Et moi, j'ai simplement tenté de ramener une action, un sentiment d'action, une intuition qui peut émerger via l'action. C'est tout. Je ne ferai pas de digression par rapport à ça, mais ce qui me concerne, c'est de parvenir à secouer un peu le cocotier, je vais dire, du côté fédéral, du côté de l'autorité, du côté de ce comité de concertation, du côté des citoyens, du côté des institutions, qu'elles soient culturelles, institutions pour la jeunesse ou autres, politiques, etc., partis politiques, tout confondu, c'est de les secouer un coup, par une action qui profondément, pour moi, a du sens. Alors après, je ne savais pas que ça allait provoquer une telle déflagration dans la société, mais c'était finalement quand même bien l'objectif. Une déflagration, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui te suivent ? Pas forcément qui me suivent, mais qui se questionnent, en masse. Ça, oui. Parce que la prochaine étape, donc, c'est recommencer. Tu vas refaire un concert alors que tu peux pas, c'est ça ? Oui, je l'ai dit avant, bien sûr. Vendredi, je vais redonner un concert. Dans les mêmes conditions sanitaires, 15 personnes masquées dans une institution culturelle bruxelloise. Et il y a des gens qui sont au courant, ça se met en place. On t'a dit, ah non, là, tu peux pas, fais gaffe, là, il n'y aura plus de... On ferme les yeux, on n'en parle plus. Je suis dans mon droit le plus strict que je défends depuis le 14 février avec mon avocat, de dénoncer les aberrations, de dénoncer les absurdités, de dénoncer l'illégalité de cet état d'urgence. Vous savez, ce n'est pas de la désobéissance civile, ce que je tente de faire. C'est tenter de ramener la légalité dans un pays démocratique. Et vous croyez que ça peut se faire comme ça, sans heurts, simplement en rappelant la loi ? Je n'en sais rien, c'est l'autorité qui décidera. C'est le comité de concertation qui décidera de prendre un peu plus d'attention à la culture ou pas. Et puis pour d'autres secteurs aussi qui subissent ces aberrations. Ça ne m'appartient pas, vous savez, l'autorité ne m'appartient pas. Moi, je suis un citoyen lambda, comme un autre. Mais je pense avoir trouvé un chemin peut-être intéressant qui permet à ce Parlement de se poser les bonnes questions et qui permet aussi à ce comité de concertation de peut-être se poser la question de leur légitimité. Ce concert, voilà, il va se faire, on verra la suite. Ouais, je me demande vraiment, c'est ça que je voulais dire, c'est que le comité de concertation, là, ou le gouvernement, je crois pas qu'ils t'attendent, toi, pour dire ah oui, on fonctionne pas très convenablement ou pas très correctement. Je crois pas qu'ils t'attendent. Mais peut-être ce qu'ils pourraient redouter de toi, c'est que tu fasses, que tu ouvres une porte, en fait, pour les autres, pour se dire, allez, maintenant, il faut se bouger, il faut créer quelque chose, il faut se mettre ensemble. Ça, c'est intéressant. Mais je crois pas que... Enfin, voilà. C'est certain que ces quelques personnes autour de cette table ne m'attendent pas. J'en suis parfaitement conscient et je n'ai aucun souci avec ça d'ego. Mon combat ne se situe pas à ce niveau-là. Mon combat se situe plutôt au fait de, progressivement, j'ai mis un premier coup de masse sur la table. Je pense qu'effectivement, le deuxième coup, si c'est un coup de tronçonneuse, il aura le tranchant qu'il faudra, parce qu'il ne sera pas seulement porté par un cultureux, il risque d'être porté par un ensemble de citoyens, mais aussi un Parlement, mais aussi des gens du cadre politique qui, tout à coup, ont envie de retourner cette crêpe ignoble, pas seulement envers la culture, mais de reconnaître qu'il y a un gros, gros, gros, gros souci de légalité, d'illégalité de cet état d'urgence. Donc, vous savez, moi, je ne fonctionne pas pour ma bosse, hein. Je ne roule pas pour ma bosse, je roule pour un ensemble. Alors après, quant à savoir si les gens me rejoignent ou pas dans le discours ou dans l'action, ils en sont parfaitement libres. Je n'attends pas non plus quoi que ce soit de la part des gens, comme du comité de concertation. Je fais ce que je sens, de l'intuitif. Oui, je comprends bien, mais après, il y a une stratégie quand même, parce que, voilà, on parlait de violence. Vous disiez au début que vous n'étiez pas pour la violence, mais à un moment donné, les combats se sont menés aussi, parce qu'on parlait du chômage, là, des droits... Les droits du travail, tout ça a été gagné après la Seconde Guerre. Ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu des combats menés, quoi. Vous voyez, il y a eu de la force de la violence, quoi. Voilà, il y a eu des morts. C'est ça que je veux dire. J'en souhaite pas là maintenant, mais j'ai l'impression qu'on est aussi dans une époque comme ça où on est là avec nos smartphones ou à nous filmer, à mettre en scène. Et puis dès qu'il faut rentrer un peu vraiment dans le cœur du sujet avec nos corps, là, ça devient autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, j'avais envie de souligner ça, qu'à un moment donné, ben, moi, je crois que par votre biais, c'est intéressant ce que vous menez, parce que vous ouvrez une porte pour le cultureux, mais pas que, évidemment, à se dire, allez, maintenant, Quentin Dujardin nous montre un peu l'exemple, il faut se bouger, quoi, il faut se mettre ensemble, il faut créer de la force, quoi, voilà, si jamais il fallait passer par là, parce que si la culture, il n'y en a plus, on est très mal. Hein. Je terminerai en disant simplement qu'il y a quelque chose qui m'a assez bien marqué la semaine dernière. C'est Madame Vlieg, qui est en fait experte présidente de Cienzano, qui donne les chiffres, qui nous disait dans une double carte blanche, parce qu'elle s'en est un petit peu excusée dans la foulée, en signalant aux citoyens qu'il fallait arrêter de pleurnicher, il fallait arrêter de râler sur cette crise. J'avais juste envie de terminer en disant que peut-être il faudrait qu'elle ouvre un peu plus les pavillons, en se disant qu'il ne s'agit peut-être pas de simples pleurnicheries de citoyens, mais peut-être de grognements. Et que ces grognements-là, quand ça échappe à l'État, ça se transforme effectivement en autre chose, que je ne nommerai pas, on sait très bien ce que l'histoire nous a appris. Donc voilà, vous savez, moi je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Ce que le peuple décide de faire à la sortie ne m'appartient pas. Merci beaucoup, Quentin Dujardin. Merci à vous.